jusqu'à les tiens. Donc une heure des jambes, une banlieue sans issue. On s'est fait péter nos chaînes. Les gars sont dans les portes de l'apartheid. Dans notre crâne, c'est normal. Dans ces quartiers, dans un désert, dans le sang, ça va être la scandale ici. Jusqu'à les tiens, donc on s'en moitié gâché. Il est pour la misère. Résultat d'une jeunesse déchue. Chacun pour sa boue, permettre d'attendre. On s'en moitié gâché. Il est pour la misère. Résultat d'une jeunesse déchue. Chacun pour sa boue, permettre d'attendre. On s'en moitié gâché. Il est pour la misère. Résultat d'une jeunesse déchue. Chacun pour sa boue, permettre d'attendre. Je t'assure.